cognac d'un vieux sagiret. Au lit de son amant, âgé de 22 ans, une fille étudiante et de pensionnaire se glisse dans ses draps, froissée par ses clients. Coquille et Viagra, pauvre jeunesse sacrifiée. Coquille et Viagra, tu es fatigué. Sur le lycée pulcral, une bête sanguinaire au parfum de Cologne, des vapeurs d'ammoniac, des odeurs viscérales sortent de la carcasse d'une infâme charogne. Cocaïne et Viagra, pauvre jeunesse sacrifiée. Cocaïne et Viagra, je suis fatigué. L'âge d'étudiant s'affiche avec horreur quand se part devant. Caresse dans la nuit la vision subconsciente. Souffle coïtal ou dernier tremblement. Cocaïne et Viagra, pour jeunesse sacrifiée. Cocaïne et Viagra, vieux fatigué. Son dos dénudé repose sa chevelure, aux mèches froides et noires en veuve soupirant. Le reste de son corps épouse une cristallure, car son visage est un sombre en larmes chavirant. Cocaïne et Viagra, pauvre jeunesse sacrifiée. Cocaïne et Viagra, vieux fou fatigué. Bleu sur la tablette en marbre, dans cette étrange affaire se tient en complice. Mais la jolie junkie au teint glauque et macabre, celle d'un œil malsain, l'inspecteur de police. Cocaïne Viagra, pour jeunesse sacrifiée. Cocaïne Viagra, vieux fou fatigué. Cocaïne Viagra, cocaïne et Viagra, vieux fou fatigué.